7 sera gravé dans ma mémoire à tout jamais. Toi qui étais si jeune, déjà 2 ans que tu nous as quittés. Tu vois la douleur est partout mon petit zincou. Chagrin tu nous as laissé, de la haine elle nous a donné. Chaque jour, chaque nuit depuis tu es dans mes pensées, dans mes larmes et ma douleur. Tu es dans mon cœur. Je me bats pour se vivre sans toi, tu me manques et tu le sais. C'était le 6 juin 2007, jour de crainte et de tristesse. 6-06-2007 sera gravé dans ma mémoire. Nous on t'oublie pas, on reste là pour toi. D'un coup je me suis dit d'un coup, je t'aime ma vie que tu veux ou pas, de toute façon c'est pareil. T'as rien mérité de tous les malheurs qui t'ont arrivé, pourtant ces jours toujours les meilleurs, les mal servis. Dis cœur, mon cœur est que pour toi, tu vois. La mort t'a volé, t'as pas pu y échapper. Fais tout pour que ton père et ta sœur soient en paix, s'il te plaît. J'aurais tant aimé te serrer dans mes bras une dernière fois. Je t'aurais surveillé, je te promets. Si on n'était pas toujours présent pour t'aider à surmonter ta dure vie, on t'a aimé et tu le sais. De toute façon, on t'aime toujours, t'inquiète, je te promets. 6-06-2007 sera gravé dans ma mémoire. Je chante pour lâcher ma tristesse. Je laisse tomber mes larmes à terre, mais je laisse pas tomber l'amour que j'ai pour toi. T'as rien mérité de tous les malheurs qui t'ont arrivé, pourtant c'est toi qui as été piégé. J'aurais tant voulu qu'il y ait une justice en haut comme en bas. À part ça, sans toi, rien va. Le temps s'est arrêté le jour où tu nous as quittés. Pourtant j'aurais tant voulu te sauver des griffes de la mort. Elle qui est si forte, on peut rien contre elle. La pitié des autres l'a fait régner. 6-06-2007 sera gravé dans ma mémoire. Je m'exprime en chantant, même si je te dis pas je t'aime comme Lara Fabian. Je te dis je t'aime comme ton Zincou. Moi qui t'aime, toi tu le sais. Toi qui écoutes avec respect et une petite pensée pour Lenny, s'il te plaît. Je suis prêt à défoncer celui qui pense de mal de lui. Fais un tour sur son blog pour laisser la trace de ton respect. www.petit-ange-du-ciel.skyblog.com. Lenny, déjà 2 ans sans toi, c'est dur, je te promets.